Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Science, épisode numéro 23. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie du professeur Fon et de Antoine. Bonjour à vous deux. Salut Mathieu, salut Salut. Antoine. Antoine qui est de retour de son nouvel an vietnamien, c'est juste, c'était bien? Oui, ouais, c'était super. Ouais. Donc bonne année à tous, hein. Oui, on a Donc voilà, écouté tes ben... petits messages là que tu nous as ouais, envoyés. c'était sympa. J'ai écouté Podcast Science, le dernier, et donc voilà, et c'était vraiment super cool. Ouais. Et on avait une question à te poser, d'ailleurs. C'est l'année du lapin pour tous les Asiatiques, sauf pour les Vietnamiens où c'est l'année du chat, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Comment ça se fait? On a une idée? Oui, je m'étais renseigné par curiosité. Et c'est en gros juste parce que en fait, il n'y a pas beaucoup de lapins au Vietnam, en fait. Et ils ont préféré célébrer un animal qu'on voyait beaucoup plus souvent, et donc c'était le chat. Voilà. Ok, bon, c'est Donc, logique. bon, c'est une logique qui a ses limites, puisque on n'a jamais vu beaucoup de dragons. Hein, mais on célèbre quand même l'année du dragon, mais c'est comme ça. Ouais. Donc, c'est une des explications possibles, mais tu vois, c'est le genre de choses qui se perd un peu dans les traditions. On ne sait jamais trop, c'est assez oral, tout ça. Donc, un jour, c'est arrivé, voilà. Ok. Bon, ben on mourra moins bête. Alors aujourd'hui, on va peut-être commencer. Il y a quelques jours, ou je crois que c'est environ il y a 2 semaines, Alexandre Séguin, nos poditeurs, nous a demandé qu'on partage nos podcasts avec les auditeurs. Alors, ben on va les partager aujourd'hui. On va peut-être commencer par Antoine. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu écoutes habituellement? Oui, alors moi en fait j'ai deux passions, vraiment c'est les sciences et le cinéma. Donc bah, ça se voit dans mes podcasts. Donc en cinéma je regarde beaucoup du portail No Watch. Et donc c'est des podcasts comme Tonight on Mars, très bon podcast sur les sorties DVD, Blu-ray, tout ça. Ça tourne, qui est un podcast audio, lui, qui est sur l'actualité cinématographique et des séries. Pour aller de l'autre côté de la caméra, c'est-à-dire tout ce qui est montage et prise de vue, je regarde SpringPod, qui est un vrai podcast qui permet de faire vraiment beaucoup de tutoriels amateurs pour faire de la vidéo. Et voilà. Et après, en podcast scientifique et tout, je pense qu'on va beaucoup se recouper. Donc, je vais les citer et vous en dire un peu plus. Alors, j'écoute Sur les épaules de Darwin. J'écoute aussi Place de la Toile et je regarde deux autres podcasts qui sont assez géniaux, qui sont pour l'instant plutôt anglophones plutôt. C'est Joe Genius, qui est un podcast qui est américain et où ce sont des ils présentent des vidéos de YouTube de petits scientifiques en herbe et Scientific Tuesday, qui est un podcast qui sort tous les mardis et qui présente à chaque fois une expérience scientifique en anglais. Et surtout de la chimie, parce que cette année, c'est Donc ça, l'année de la c'est chimie. vidéo. Ouais, là, c'est vidéo, ouais. D'accord. Et après, sinon, en audio, on a notre, on va dire, collègue d'Actu Science, Florence Dufour, qui en est à son numéro 4, que j'écoute et que je suis pour l'aider à l'améliorer, quoi. Voilà. D'accord. Bah moi, je vais continuer avec les miens. Alors, récemment, je me suis mis à écouter Ciel et Espace Radio, comme on a déjà parlé ces derniers épisodes, un podcast que nous avait recommandé Xavier Agnès. Et d'ailleurs, le dossier de la semaine passée sur l'origine de l'univers était tiré un peu de ce podcast. Donc, vraiment un excellent podcast que j'ai découvert récemment, qui est vraiment excellent. Place de la Toile aussi, donc émission sur l'impact des nouvelles technologies sur la société, animée par Xavier Delaporte. C'est une émission sur France Culture, un podcast qui est mis sur France Culture, vraiment excellent aussi. La Tête au Carré, je sais jamais quelle émission de radio, toi, professeur Fun, quelle chaîne de radio C'est France Inter, France Inter, la ouais, tête au carré. je les Ouais. confonds toujours. La tête au carré sur les épaules de Darwin aussi. Sur les épaules de Darwin, le dernier épisode, ou l'avant-dernier, est vachement bien. J'ai Ouais, tweeté t'as partagé. sur la vision aveugle, un phénomène absolument incroyable. Je vous recommande. Sinon, bah, évidemment, Niptech, le classique. Ah oui, Niptech. Et sinon, il y a aussi une radio en Suisse, pour ceux qui ne sont pas suisses, qui s'appelle Couleur 3, qui propose aussi ses émissions en podcast. Et j'en écoute deux. L'une, c'est Point Barre. C'est une émission qui a lieu tous les samedis matins, qui parle de tech et de gaming. Et aussi le micro-sillon, ça c'est une petite revue musicale par un des animateurs de Couleur 3 qui s'appelle Yann Zitouni, si je ne me trompe pas, où durant 5 minutes il présente un nouvel album ou un nouveau groupe et il a une culture musicale absolument impressionnante. Je recommande aussi à tout le monde. Donc voilà en gros pour les miens, c'est tous des podcasts audio, je suis un peu moins podcast vidéo moi. Alors chez Top, je sais pas toi Alan, tu suis un peu des podcasts vidéo? Pas beaucoup, en fait. C'est vrai que ça mobilise trop mon attention. Je suis obligé de m'arrêter et de les regarder, puis j'ai juste pas le temps, quoi. Alors que les podcasts audio, je peux les écouter Ouais, c'est un peu le en même faisant du problème que j'ai, sport, en me ouais. déplaçant, dans le train, ouais. Bon, ceci dit, moi, je viens de comprendre pourquoi j'ai pas une minute à moi, puis pourquoi j'ai rempli les 32 gigas de mémoire de mon téléphone en dressant la liste de mes podcasts. C'est juste l'horreur, il faut que je me calme. Ouais, quand j'ai vu ta liste, j'ai failli m'évanouir. Je sais pas comment tu Ouais, non, fais. non, mais j'arrive pas à tous les écouter chaque semaine. Y a des fois, voilà, Ouais, tu j'en pioches. zappe. Ouais, Ouais, j'en tu zappe pioches, ouais. quelques-uns parce que c'est juste pas possible. Mais enfin, je suis abonné à la liste suivante qui m'impressionne moi-même. Donc, dans la tech, il y a évidemment Niptech Podcast. C'est mon podcast préféré. Mon deuxième podcast préféré, c'est dans la science et c'est un podcast vidéo. C'est le podcast d'Antoine, c'est pas faux. Hey. Sinon, j'écoute les trois podcasts de Dr. Carl. Donc c'est un scientifique et homme de radio australien qui a un podcast sur la radio australienne, qui en a un sur la BBC et puis qui fait encore une petite chronique scientifique une fois par semaine sur une station australienne. Donc là aussi je partagerai la liste, je vais pas donner tous les liens. Petit scoop, il y a bientôt un nouveau podcast. J'y suis déjà abonné, même s'il n'existe pas encore. C'est Escape Velocity de Benoît Curdy de De Niptech, Niptech. exactement. Ah mais il en avait parlé, je n'en ai pas entendu parler. Bah écoute, non, en fait, c'est sa copine qui a partagé une petite vidéo de promotion sur Facebook. Alors, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais enfin voilà, puisqu'il y a eu une vidéo de promotion, je suppose que c'est plus secret, quoi. Et de quoi Mais c'est... effectivement, j'ai pas le souvenir qu'il en ait parlé dans Niptech. Bon, en fait, c'est un peu la suite logique de ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant, Take Me Too. Tu sais, son Ouais. podcast en anglais, où il interviewait des... Des entrepreneurs. Exactement, ouais, dans le monde des startups, quoi. Sauf que là, il va faire ça avec quelqu'un, donc un peu une formule en binôme. Je ne me Mais rappelle plus du nom de l'autre personne. j'ai réussi à l'avoir moi sur Skype, Ben, et Ouais. on en a un petit peu parlé. Et Ah. en fait, en gros, le concept, ce serait plutôt de pouvoir permettre à des entrepreneurs, à des gens qui pensent un peu, comme on disait, out of the box. De venir et partager leur expérience et motiver les gens et leur permettre d'avoir quelques petits tips, quelques petits conseils Pour je sais pas, démarrer une pour démarrer aventure. ouais, une aventure, ouais, voilà. Et donc oui, comme je disais, c'était vraiment la continuité de Take Me Too qu'ils faisaient avant et donc voilà, là, ça va bientôt démarrer. Pour l'instant, il est encore un peu en stand-by. Ils attendent d'avoir des invités. Et juste autre chose qu'il m'avait dit, c'est que ça ne concerne pas que le domaine de la tech. D'accord, ok. C'est plutôt en général, oui, l'entrepreneuriat en général. Ok, bon, bah, connaissant Ben, son énergie, sa manière de réseauter sur Twitter, je pense qu'il va pas tarder à trouver des invités, ça va démarrer tout Ouais, ça bientôt. devrait aller, ouais. Voilà, sinon, dans les ouais, podcasts tech, toujours les projets du web de Mathieu Tournesac, Campfis et Lucus. Bah voilà, celui-là, typiquement, j'ai 3 semaines de retard. Je viens seulement aujourd'hui d'écouter le dernier numéro, mais très sympa. Autrement, podcast scientifique, bah, tous les podcasts scientifiques de la BBC, en fait. Il y a Material World de Quentin Cooper. Il y en a ouais, d'autres, ils sont plus bas dans ma liste, j'y reviendrai. Un podcast super aussi, c'est le podcast scientifique du Guardian, le journal britannique, hein, vraiment avec un esprit très cool, très décontracté, très marrant, et puis on apprend des tonnes de choses à chaque fois. Un autre podcast que j'adore aussi, il n'est pas spécialement scientifique, c'est le forum de BBC World. Comme Place de la Toile, tu sais pas à quoi t'attendre, et puis tu as l'impression d'en ressortir plus intelligent. À chaque fois, il y a trois invités, un qui représente le monde de la science, un qui représente le monde des arts en général, et puis un qui est plutôt du côté politique ou militaire ou diplomate, enfin. Ouais, plutôt dans ce registre-là. Et puis, ils confrontent leur vision, enfin, ils débattent plutôt de leur vision sur un thème en particulier. En général, piocher de l'actualité de l'un des trois invités, c'est vraiment génial celui-là. Si vous en avez l'occasion, je vous le recommande. Sinon, Place de la Toile, évidemment, incontournable. Bon, c'est pas de la science, c'est plus C'est la tech. le Ouais, c'est numérique, là. ça, son impact sur la société, toujours avec Les une technologies, ouais, perspective, en fait, ouais, c'est ouais, vrai. c'est ça, L'impact perspective des technologies, sociologique, ouais. anthropologique, ça vole assez haut, quoi, C'est vrai, c'est je fort. ne savais, savais pas où le mettre. Mais Ouais. c'est vrai que tu as raison, c'est l'impact de la technologie sur nos sociétés. En plus, je crois que c'est leur catchphrase, c'est ce qu'ils disent en plus. Ouais. Et je crois que c'est ça, ouais. Donc, ouais. Voilà, sinon Outriders de la BBC, toujours. Alors, ça, c'est plus une émission hein, tech. Bon, c'est sympa, mais ça, c'en est une que j'écoute un peu moins, en fait, parce que c'est là que je me rends compte que les moyens de production de la BBC, alors, ça donne des articles super bien léchés, des produits finis absolument magnifiques, mais c'est vrai qu'ils ont genre 3 semaines de retard sur ce que tu peux écouter dans Niptech ou que tu peux découvrir en suivant les blogs. Donc voilà, je l'écoute un peu moins. Un autre qui vous plairait sans doute beaucoup, c'est un podcast de l'université de Cambridge en Angleterre. Ça s'appelle The Naked Scientist, le scientifique nu, animé par Chris Smith et son équipe. Assez chouette, il touche à tout, il parle de news dans toutes sortes de disciplines. Et puis, il y a chaque semaine une expérience. Ça me fait un peu penser à ce que tu fais dans ton podcast, Antoine. Ah ouais? Une expérience de science de cuisine. Ouais, c'est rigolo, Mais quoi. Parfois, ils font. c'est en audio en plus? C'est en audio, ouais. Ah et ça retranscrit super bien. D'accord. C'est un exercice plutôt difficile, je pense, mais chapeau. Ouais, effectivement, effectivement. Chapeau bas. Ouais. Bon, ils ont fait une version augmentée du podcast où ils diffusent en fait des photos en rapport avec chacun des sujets. Alors comme ça peut aider à se donner une idée du truc. Parce que c'est pas toujours simple, effectivement, de décrire ouais, une explosion C'est sûr, ouais. Ça, verbalement. surtout pour permettre aux gens de la refaire, je pense. Avoir un petit support visuel, ça peut être sympa. Exactement, ouais. Sinon, dans la tech, un podcast amateur un peu 2.0, c'est-à-dire que tous les sujets leur sont soufflés par leurs poditeurs, c'est le Walu Show d'Anthony et Benoît Maréchal. C'est en vidéo, mais c'est pas très long, c'est une vingtaine de minutes chaque semaine. Bon, là aussi, j'avoue que je suis pas toujours super assidu parce que c'est en vidéo, justement. J'arrive pas à m'arrêter et à regarder. Donc là, je dois avoir ouais, deux, trois épisodes de retard, c'est un peu la honte. Mais enfin, quand même cool, quoi. Pour les gens qui ont le temps, c'est vraiment très chouette. Sinon, ben voilà, je suis dans ma liste des podcasts scientifiques de la BBC. Alors, il y a Digital Planet, il y a One Planet, Science in Action, tous très bien, rien à dire. Il y a Science Times du New York Times. Celui-là, je me suis abonné récemment, j'en ai écouté que deux épisodes pour le moment, mais c'est assez cool. Tech, il y a This Week in Tech. Pas toujours très assidu, en fait, j'écoute Niptech pour les. pour les séances de rattrapage. Actu Science, t'en as parlé tout à l'heure, Antoine, donc de Florence Dufour, podcast amateur. Je savais pas qu'elle en était au quatrième numéro, moi j'en étais resté à trois. Ouais, là, je crois qu'elle a Ouais, fait une petite pause cet automne, elle s'est reprise au début de l'année. oui, Ouais, c'est ça. voilà. Elle est prise au début de l'année, elle vient juste de poster son quatrième il y a 2 3 jours, je crois. Ouais, Ah, c'est marrant, ça s'est pas mis à jour chez voilà. moi, là. Donc, Bon. ça a 2 3 jours et oui, elle reprend. Et en fait, c'est vraiment l'actualité scientifique. Décortiqué par une thésarde, je crois qu'elle est thésarde, en biologie Ouais, marine, ouais, en en biologie biologie marine. marine, ouais. Donc voilà quoi. Ouais, Beau regard c'est sur la sa grande science. spécialité, mais c'est vrai qu'elle parle aussi d'autres disciplines. Bien sûr. Voilà, ensuite pour les gens pressés, alors ça c'est formidable, c'est les podcasts d'une minute du Scientific American. 60 Second Science, 60 Second Mind et puis 60 Second Earth. Bah ça s'écoute en une minute. Donc c'est pas très approfondi, mais enfin pour se tenir au courant de l'actualité, c'est pas mal. Autrement, comme vous, sur les épaules de Darwin et la tête au carré. Un autre podcast que je trouve vraiment intéressant, mais c'est un peu à cheval entre la science et l'art. En termes de vulgarisation, c'est assez fort parce ils racontent une histoire carrément en la mettant en scène. On a l'impression que c'est du théâtre radiophonique. Ça s'appelle Radiolab. C'est inclassable. C'est vraiment une initiative un peu particulière. C'est diffusé sur une radio new-yorkaise. C'est disponible en podcast. Ou Radiolab.org, si alors, jamais. moi j'en écoute, je pense, j'en écoute un, mais je ne l'ai pas cité parce qu'il est en espagnol, mais qui semble un peu avoir la même idée. Ouais. Ils expliquent la science à travers une petite histoire de 10 minutes, un quart d'heure, c'est aussi assez marrant. Ah, c'est pas mal ça. Tu S'appelle mettras le comment? lien quand même? Ouais, je mettrai le lien, ouais, pas de souci. Ouais, cool. Voilà, sinon, Science publique sur France Culture de Michel Alberganti. Là, j'écoute pas à chaque fois. Il y a des épisodes qui m'intéressent beaucoup, mais d'autres pas du tout. Futura Science, un podcast audio, je ne sais pas si vous étiez au courant, ça s'appelle FSPod. Ah ouais. Ah, Donc, j'étais pas qui au courant qu'ils avaient un récapitule. podcast, non. Ouais, ça récapitule un peu l'actu de la semaine. Voilà, bon, je trouve le ton pas très accrocheur, mais le contenu est sympa. Sinon, quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'était en discutant avec Anaïs Le, qui tient le blog Science et Cupcake. Cupcakes. Exactement, c'est une des collègues de Lucille. Elles font le même cursus. Puis elle va bientôt faire un stage chez Radio Prune. Je sais plus où c'est, quelque part dans le sud de la France. Et oui, cette radio a une émission qui s'appelle Le Labo des Savoirs, qui est disponible en podcast et c'est pas mal du tout. Alors, elle n'a pas encore commencé son stage. Elle commence en mars. Là, il faudra absolument qu'on écoute, quoi, puis qu'on lui fasse des feedbacks. Voilà. Et puis sinon, un petit quasi dernier, c'est The Science Show, là aussi de la radio nationale australienne. L'animateur s'appelle Robin Williams, mais avec un Y dans son prénom. Très cool aussi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'en ai entendu qu'un épisode pour le moment, mais j'ai vraiment accroché, j'ai adoré. Et puis, ben, Ciel et Espace Radio, que nous a recommandé Xavier Agnès, dont tu parlais il y a 2 minutes, Mathieu, qui est vraiment génial, quoi. C'est Il faut top. vraiment que je m'y mette, hein, parce Ah que ouais, celui-là, il est incontournable. ça a tellement marqué Mathieu qu'il en a fait un sujet. Tu trouves ça génial, alors il faut vraiment que je m'y mette, quoi. Mais c'est vraiment astronomie, tout ça, hein, c'est ça? Ouais, il y a Voilà. autant des sujets très scientifiques sur l'univers et tout ça. Il y a aussi un peu d'astronomie. Il y a du sujet sur la Lune, sur les D'accord. mouvements de planètes et des choses comme ça. Et ça dure combien de temps? Ça dépend un peu les émissions. Ils ont aussi une formule assez intéressante. Ils se projettent en 2050 et ils attribuent des prix Nobel à des chercheurs. C'est un peu une fiction. Et par exemple, ils attribuent un prix Nobel à un chercheur qui a découvert ce qui se cache derrière l'énergie noire ou la matière noire. Et ils essayent de retracer un peu l'histoire, donc ils anticipent un petit peu le futur. C'est assez intéressant, mais ça dépend un peu les sujets. Il y en a qui durent 20 minutes, une demi-heure, un peu plus. Ça dépend un peu les émissions. D'accord. Ok. Non, Et voilà. ben bon, je sais pas ce qu'un psychothérapeute te dirait, Alan. Oui. Ouais, je sais pas, je sais pas. Une liste aussi longue de podcasts, faudra. Ouais, non, c'est un Non, peu mais c'est vrai effrayant. que en plus, à chaque fois, on se réunit genre 5-10 minutes avant de commencer à enregistrer le podcast. Et toujours, il y a toujours Alan qui nous dit Ah, oh, j'ai pas eu 1 minute à moi, j'ai plus rien faire. Et là, je pense qu'on a une petite explication scientifique de d'où vient ton trou noir temporel. Ouais, sans Donc. doute, sans doute, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et puis encore, les podcasts sont en compétition directe avec les livres audio. D'autres, bon, j'abuse aussi. Bah, je ne me suis pas encore mis, sinon je vais pas pouvoir. Là, les livres audio, là, je ne me suis pas encore mis, moi, non. Ouais. Après, il faut trouver des techniques anti-stress. Je vais me mettre au yoga, je pense, en écoutant mes livres audio. Ok, ben on mettra ben la liste de ces podcasts sur le site, vous les trouverez avec les liens. Et ben, sinon on va continuer avec Antoine, tu voulais nous parler d'une société qui s'appelle BioUV. Oui. Alors, en fait, c'est suite au sujet d'Alan sur la désinfection de l'eau par les UV. Donc, on en avait parlé il y a quelques podcasts, je crois, 5 ou 6, je pense. Et en fait, ce matin, je tombe sur un petit article de cette société, la société BioUV, qui commercialise des bornes pour désinfecter l'eau dans les zones en voie de développement. En fait, ces bornes s'appellent des Biosun. Donc, ça marche exactement comme Alan nous l'a expliqué, hein. Juste les rayons UV qui désinfectent l'eau et qui détruisent les bactéries. Et donc, c'est un coût de 3 500 euros par machine. Par Mais après, le borne. coût d'entretien. Bah, oui, par borne. Ouais. Et le coût d'entretien est de 200 euros par an. Donc, ce qui n'est pas énorme. Et ça permet vraiment de traiter l'eau en continu. Donc, c'est. Tu sais combien de litres J'ai l'estimation, attendez, juste 2 secondes. Hop. Oui, alors, ce serait. Alors, ça ferait du. 27 millièmes d'euros par litre d'eau traitée. D'accord, mais est-ce que je voulais. 27 millièmes par Ouais. litre? 27 D'accord, non, c'est millièmes pas très d'euros cher. par litre. Après, il faut multiplier. Donc, ouais, une vingtaine de. Ça doit être 10 000 litres, je pense. Il y a 27 millièmes d'euros pour. Même pas, même pas. C'est 27 10 puissance moins 1, 2, 3, 4. 10 puissance moins 5, alors. Hein, 27 10 puissance moins 5 euros par litre d'eau. Pour 200 euros par an. D'accord. Donc, il faut juste faire le calcul. Donc voilà. Donc, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment. Un concept qui est viable pour toutes les zones en voie de développement. Donc, je trouvais ça assez génial. Et voilà. Très bien. Bah, félicitations à la société. Ouais, c'est une bonne initiative, effectivement. Société Ouais. Tu française en plus. Oui, je mettrai un mettras lien, il le n'y a pas de lien dans problème. la note de l'émission. Cool. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ok, Alan, toi, tu voulais revenir sur ta visite du CERN, donc tu as fait le week-end passé aussi? Ouais, alors bon, bien sûr, j'ai rien eu le temps de préparer, de très construit. À cause de lecture de d'écoute de podcast, c'est pour ça. Ouais, à cause de plein d'autres trucs en réalité. Mais pourtant, j'ai pris plein de photos. Je suis parti dans l'esprit podcasteur, petit reporter. Caméra à la main. Presque, ouais. Ouais, j'ai filmé certaines séquences, j'ai pris plein de photos, Donc j'avais pris trop on a le autant droit en plus. fait. C'est pas secret défense, tout ça, non. Ouais, non, Voilà. ça n'a rien à voir avec un roman de Dan Brown, effectivement. J'étais étonné, quoi. Je pensais qu'éventuellement les photos seraient interdites ou ce genre de truc, mais pas du tout, quoi. C'était cool. Vraiment, j'ai bien aimé, quoi. Bon, ça a commencé avec une présentation qui a duré 1 heure, qui était faite par un physicien à la retraite. Tu sens que le mec, ça l'a passionné toute sa vie et puis qu'il sait plus quoi, il saurait pas quoi faire d'autre, alors il revient le mercredi et le samedi organiser les visites. Il s'appelait Klaus Batzner et il a même un fan club sur Facebook tellement il est pittoresque. T'as vraiment l'impression d'être dans un film, quoi. Il gesticule, il s'enflamme, il est très drôle, quoi. C'était super. C'est la rockstar des physiciens, quoi. Ouais, je pense, ouais, un peu. Ouais. Donc ça a commencé par une présentation d'1 heure, bon, un peu magistrale, un peu scolaire, quoi. C'était une presse PowerPoint. C'était un peu long à mon goût. Il a commencé par donner des chiffres qui sont juste invraisemblables, quoi. Il y a 3 000 employés, il y a 6 500 chercheurs en permanence qui bossent sur place, donc ça fait 10 000 personnes qui parlent toutes les langues de la planète, qui avaient de sérieux problèmes de communication entre eux au début. Du coup, il a fallu inventer le web pour que ces personnes puissent communiquer. Enfin, ce qui est quand même juste extraordinaire, quoi. Bon, ensuite, la presse a continué avec des détails sur le LHC, comment il fonctionne. Quelques-unes de ses caractéristiques, son coût, etc. Comment marche un accélérateur de particules, quelques projets périphériques. Puis ensuite, on est entré dans une explication où on se serait cru dans Podcast Science, dans un de ces épisodes où Mathieu est très en forme, où on a attaqué les unes après les autres les particules subatomiques, la matière noire, l'énergie noire. Enfin voilà, c'était un peu costaud, quoi. Il y avait quelques jeunes qui commençaient à s'endormir. Attends, juste la visite est anglophone ou Ouais, là c'était en francophone? anglais, ouais. Ouais, D'accord. c'était en anglais en fait parce que j'y suis allé dans le cadre de la conférence Lift. Et puis on était peut-être deux Suisses dans le tas. Toutes les autres personnes venaient des quatre coins du monde. Donc ouais, c'était en anglais, mais ils organisent des visites en français également. D'accord. Voilà, donc après ça, on s'est baladé un peu dans la sphère d'Expo 02, la fameuse Expo Univers de particules dont j'avais parlé, je crois, dans un des premiers numéros de Podcast Science. Ça s'appelle Expo, mais ouais, ça n'a plus grand-chose d'une exposition, en fait. C'est un truc son et lumière où tu es plongé dans une atmosphère un peu magique. C'est vraiment cool, quoi. Juste pour ça, ça vaut le détour. Puis après ça, on est allé visiter la station Atlas, donc une des stations qui est connectée à l'accélérateur de particules. C'est la station dans laquelle on recherche l'origine de la masse. Donc c'est là qu'on court après. Le boson de Higgs. Et le graviton, qu'ils n'ont pas encore trouvé. Puis après ça, on est allé se balader dans le centre de test des pièces détachées. Donc les pièces détachées, c'est des bouts du tunnel, en fait, qui sont testés, qui sont soumis à toutes sortes de contraintes, de chaleur, de froid, etc., avant de pouvoir être homologués pour prendre leur place dans le tunnel. Et tout ça, c'était en souterrain, donc la Non, visite, non, non? non, tout était en surface, en fait. Surface, d'accord. Ouais. Malheureusement, le tunnel est pas ouvert, donc c'était pas Oui, possible et de descendre. il doit y avoir que l'anneau et les installations autour, en souterrain, non? Le reste doit être en surface Oui, quand même. absolument. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Alors bon, évidemment, j'aurais préféré voir le tunnel en live dans le souterrain, mais là, c'était déjà pas mal, quoi, parce que j'ai pu voir des bouts du tunnel, en fait, voir ces fameux aimants, comment ils sont constitués. Puis c'est là que je me suis rendu compte à quel point c'était high-tech, quoi. Ils utilisent des alliages qui n'existent nulle part ailleurs. Ils refroidissent le tout avec de l'hélium à 4 degrés Kelvin, c'est-à-dire 4 degrés au-dessus du zéro absolu. Absolument. Donc ça suppose des coûts. Aussi, ils utilisent un matériau qu'on trouve pas dans la nature. J'ai oublié le nom maintenant. C'est un truc comme Kevlar, mais c'est pas ça. Enfin, c'est juste assez fascinant, quoi. Je me suis rendu compte à quel point cette machine est un miracle. Le fait que toutes ces technologies arrivent à s'emboîter et puis bossent les unes avec les autres, c'est franchement extraordinaire. Puis bon, ça m'a donné une idée, en fait, parce que moi j'habite à Lausanne, donc à 60 km du CERN. Je suis passionné, comme vous le savez, de ce genre de truc, il ne m'est jamais venu à l'esprit d'aller frapper à la porte et puis de dire coucou, est-ce que je peux venir visiter, quoi. Il a fallu que ce soit organisé par. Enfin voilà, qu'il y ait un prétexte, une occasion, que ce soit organisé par quelqu'un pour que j'y aille. Je me suis dit, puis si on y allait tous, si Podcast Science organisait une visite, Moi, ça serait génial. ouais, ça pourrait être assez chouette, hein. Excellente idée, ouais. Ouais, Ouais. ça serait Donc génial. bon, ça peut pas être pour demain matin, en fait, parce que le calendrier des visites, pour le moment, est plein, je me suis un peu renseigné, plein jusqu'au mois de juin, donc ce serait forcément après. Donc si on arrive à trouver un moment cet été où Mathieu, tu es éventuellement en Suisse, Antoine, tu pourrais même faire un saut, puis ça pourrait être la sortie de Podcast Science, si on arrive à trouver une vingtaine de personnes que ça intéresse, Mais je pense pas que ce soit très on organise difficile tout hein, à ça. trouver dans nos auditeurs. Ouais. 20 Non, je personnes pense qui que ce sont qui va être intéressées. plus difficile à trouver, c'est les personnes qui soient disponibles cet Oui, été, puis qui voilà. se trouvent dans une proximité géographique C'est sûr. acceptable. C'est vrai que faire 500 bornes, pour ça, bon, note qu'on peut, on peut les faire, quoi. Ouais, c'est une excellente idée. Il faudrait qu'on lance un appel un peu officiel sur Facebook Oui, bah sur pour que les le. gens puissent un peu répondre, voir si ça les intéresse. On va voir, Ouais, on va et... très bonne idée, voir. on va le faire. On va le faire, Ouais, organiser quelque chose. l'appel est lancé. On va essayer d'organiser un truc si les gens sont intéressés. Excellent, excellent, ouais, très bonne idée. Ah ouais, je suis déjà tout en train de frétiller, moi. Tu m'étonnes. C'est le parc d'attraction du petit scientifique, quoi. J'ai failli y aller il y a quelques années, et quand j'ai voulu m'y... Il y avait eu une grande visite pour le lancement du LHC, et quand je me suis pris, il n'y avait plus de billets, donc bon, voilà, j'ai pas pu y aller. Ouais, c'est vrai, il y avait cette journée porte ouverte là. Moi, ça m'a bien démangé aussi. Mais en même Et temps, je m'étais dit qu'il y aurait sûrement trop de monde. ben, en fait, je suis sur le site du CERN pour le visiter. Donc, il y a un formulaire de réservation et en fait, il conseille un délai de 4 à 6 mois pour les groupes. Ok. Donc voilà. Donc Il y a ça passe un pas. nombre maximum de personnes par Ouais, c'est 24. 24. 24 au maximum. Ouais. Et ouais, non, c'est pas écrit dessus, mais tu vas le lire. Donc il y a un formulaire à remplir, donc rien de. Ok, bon, mais si c'est 4 à 6 mois, on va essayer de faire ça assez vite quand même. Ouais, voilà quoi. Donc on va lancer l'appel séjour et puis la semaine prochaine, on s'inscrit si on voit qu'on a suffisamment de personnes intéressées. Ouais, parfait, ouais. Et puis on Cool. fait le point, on fait le point au prochain épisode. Ouais, ça marche. Parfait. Ceci dit, on va attaquer les dossiers. Yep. Qui c'est qui Pas de souci. commence? Antoine, tu voulais. De quoi tu voulais nous parler? Ok, je vais commencer alors. Donc en fait, je voulais parler, aujourd'hui je voulais faire un truc un petit peu spécial pour mon retour. Je voulais reprendre un de mes tout premiers dossiers à l'époque où j'étais même pas encore à Podcast Science. C'était l'époque où j'étais chroniqueur chez Will & Co, un podcast de la famille No Watch. Et en fait, je me suis dit que ce serait bien marrant de retravailler cet ancien sujet, voir si je l'aborde différemment à présent, vu que maintenant, avec l'expérience Podcast Science, tout ça. Alors, je pense qu'on l'a prouvé avec Podcast Science, mais c'est toujours utile vraiment de le rappeler. La science, c'est partout. Alors, il suffit juste de voir la liste des sujets traités depuis le début. Et franchement, j'ai halluciné en regardant la liste. Et alors, ça va du daltonisme en passant par le vieillissement cellulaire jusqu'à l'épineuse question de l'origine de l'univers. Donc, On vous ratisse voyez quoi, large. c'est vraiment très très large comme panel, quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'on est tous les trois passionnés et en plus de choses différentes, mais qui touchent toujours à la science, Ouais, quoi. je suis en train de regarder le nuage de tags qu'on a sur le site de Podcast Science. C'est vrai qu'on voit les mots, les mots-clés qu'on a Ben mis sont très variés. Espace de voilà, quoi. génétique, cosmologie, psychologie, superstition, ouais, plein de choses. Ouais. C'est ça qui est génial, Je te laisse continuer. ouais. Donc, maintenant, il y a un domaine qui n'échappe pas à la science, et c'est quelque chose qu'on est censé faire tous les matins, et qui apporte 25% des apports journaliers recommandés. Qu'est-ce que c'est? Le petit-déj. Voilà, exactement, le petit-déj. Alors non, je ne vais pas vous parler de nutrition, hein. Même si le petit-déjeuner, il paraît le repas le plus important de la journée. Mais en fait, je vais vous parler plutôt d'un effet, un petit effet rigolo qui se passe dans les boîtes de céréales et qu'on appelle l'effet muesli. Alors, vous allez voir, le professeur Fon, il avait déjà écouté le sujet quand j'étais chez Will & Co. Et maintenant, il peut même plus s'empêcher d'y penser à chaque fois qu'il se verse un bon bol. Hein, professeur. Exactement, ça fait partie de mes petites obsessions. Je pense à Einstein à chaque fois que je marche dans le sens contraire du train à l'intérieur du train et ce genre de trucs. Ouais, effectivement, je pense à l'effet muesli à chaque fois que je me sers un bol de céréales. Merci Là. Antoine. De rien. Ben justement, qu'est-ce que l'effet muesli? Alors en fait, quand on se sert, en fait, déjà Mathieu, est-ce que tu manges des céréales le matin? Pas trop, non. Ouais, Mais c'est même non, pas pas une du très tout. bonne idée de manger des céréales le matin. Mais bon, enfin, c'est une autre question. Le lait est pourri de tryptophane. Tryptophane sont les précurseurs de la mélatonine. Et la mélatonine, ça te fait dormir. T'as bien temps de manger le Ah. soir tes céréales. Voilà, c'est pour ça que toi tu le manges le soir. Ouais, Ouais. non, moi je suis pas très céréale en fait. Mais bon, Ah peut-être ouais, que tu vas réussir à me d'accord. convaincre avec ton effet muesli. Oui, à mon avis, ça t'intriguait, tu vas au moins t'acheter une boîte, quoi. Alors, en fait, quand on se sert dans un paquet de céréales tout juste ouvert, franchement, tout est parfait. En fait, on a de bons gros flocons, on a plein de fruits. Et après, vient le matin, fatigué, le matin ou le soir pour Professeur Fun, fatidique, où on arrive à la fin du paquet. Et là, qu'est-ce qui reste? Ben, en fait, il reste plus que les miettes. Et C'est c'est vrai. là, en fait, que c'est assez bizarre, parce que les particules qui sont les plus grosses, elles devraient être normalement les plus lourdes, et elles devraient tomber au fond à cause du poids, quoi. Mais ce phénomène contre-intuitif est ce qu'on appelle l'effet muesli. Alors, en fait, les céréales, elles forment un matériau qu'on dit granulaire, en fait composé de grains. Et ce sont des matériaux qui sont un peu particuliers, et ils sont vraiment fascinants. C'est parce qu'ils se comportent tantôt comme un solide, tantôt comme un liquide, en fait. C'est comme les grains de sable d'une plage et tout. C'est un matériau qu'on appelle granulaire. C'est ni solide ni liquide. Ça se comporte un peu des deux manières, quoi. Donc, ils sont un petit peu à part et ils sont soumis à ce qu'on appelle la ségrégation granulaire. Alors, pour comprendre le phénomène, il faut juste imaginer le voyage de notre boîte de céréales, en fait. Pendant son transport, alors de l'usine jusqu'à notre salle à manger, alors elle a subi de nombreuses vibrations. En fait, et en vibrant, tous les flocons de la boîte bougent. Donc, c'est une mise en mouvement. Mais il y a seulement les plus petits éléments qui peuvent s'immiscer entre les gros, enfin, entre l'air, le vide des gros éléments. Et c'est pour ça qu'ils tombent en bas, en fait. Ils tombent. Donc, c'est l'effet Muesli ou Brazil Nut Effect, qu'on traduirait par effet noix du Brésil. C'est en fait le nom donné à ce phénomène parce qu'on l'a découvert dans les camions chargés de ces noix et qui roulaient sur les chemins caoutchouteux d'Amérique du Sud, en fait. À l'arrivée, en fait, les routiers constataient que lesdites noix étaient toujours triées à cause des secousses de la route, et c'est vraiment typiquement un cas de ségrégation granulaire. Donc, mais concrètement, à quoi ça peut bien servir de connaître l'effet Muesli? Alors, en fait, ça nous apprend, alors qu'on a tous ce réflexe, mais ça ne sert absolument à rien. Il faut absolument pas, ça sert à rien de secouer le paquet pour essayer de mélanger à l'intérieur, en fait. Vu qu'il y a cet effet Muesli, au contraire, on ferait qu'accentuer le phénomène. Et donc là, c'est un problème qui peut être anecdotique pour les fabricants de céréales, mais c'est tout de suite un cauchemar pour les entreprises pharmaceutiques, par exemple. Alors, pourquoi ça? C'est parce que les ingrédients de nos comprimés, étant principalement sous forme de poudre, ils sont donc soumis à cette ségrégation granulaire, à cet effet Muesli. Alors, sans ajustement, ça peut vraiment fausser les dosages quand on mélange les ingrédients pour la composition des médicaments. Et là, on peut avouer que c'est un peu plus grave que des miettes au fond du paquet de céréales, quoi. Et un autre domaine auquel on ne pense pas souvent, mais où ça pose vraiment problème, c'est les travaux publics. Et plus précisément, la préparation du ciment. En fait, le manque d'homogénéité à l'intérieur de celui-ci lorsqu'on fait le mélange, ça peut être vraiment catastrophique si on n'y fait pas attention pour la solidité de la structure de l'immeuble, en fait. Donc, ce sont des questions assez épineuses. Et il y a un troisième, y a, y a un troisième domaine, c'est l'astronomie. En fait, il y a certains astéroïdes qui sont soumis à cette ségrégation granulaire, en fait. C'est un effet Brazil Nuts, un effet Muesli dans l'autre sens. C'est que le côté dense, c'est celui qui va du côté du. Enfin, comment vous expliquez ça? C'est dans le sens, enfin, c'est la proue, je crois, du bateau. À l'avant, Ouais, l'avant, c'est la proue, c'est hein. la proue, et puis à Ouais, l'arrière, c'est c'est la ça. poupe. C'est l'avant. L'avant de l'astéroïde et tout ce qui est dense, et en fait l'arrière, c'est tout ce qui est moins dense, en fait, Ah plus ouais. granulaire. En fait, voilà. Et c'est là-dedans qu'on les étudie, et ça sert beaucoup pour faire des prédictions d'impact, tout ça. On est obligé de prendre en compte cet effet Muesli pour les astéroïdes, en fait. Ouais, c'est vraiment un effet universel là. Voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment fou, comme quelque chose qui se passe tous les jours dans notre bol de céréales. Et qui se retrouve dans l'élaboration des médicaments, la construction d'immeubles et le calcul de la trajectoire des astéroïdes, quoi. Mais maintenant, pour finir avec une note plus joyeuse sur l'effet Muesli, alors dans certaines situations, le connaître, ça peut vraiment vous sauver la vie. Alors en fait, en cas d'avalanche, par exemple, le manteau neigeux qui se détache agit exactement comme un matériau granulaire. Donc il est soumis à la ségrégation granulaire. Donc, d'après des recherches très sérieuses, il serait bien plus important de garder ses mains près du visage pour créer une bulle d'air en cas d'avalanche, plutôt que de nager pour essayer de rester en surface, en fait. L'effet Muesli va totalement agir normalement et devrait vous éviter au moins réduire l'ensevelissement, quoi. Donc, assez important. En cas d'avalanche, n'essayez pas de surnager, laissez-vous porter par l'effet Muesli. J'ai mis des liens, hein, normalement, sur la recherche très sérieuse sur ces avalanches. Et donc voilà. J'ai pas très bien Et compris dans le cas des avalanches comment il se manifeste l'effet Muesli. Parce ben en qu'il fait, y a cette histoire de densité, c'est-à-dire que. ben en fait, c'est nous. On est beaucoup plus dense que la neige, en fait. Ouais. Donc on aurait Donc tendance à aller au fond, nous. Parce qu'on a. justement, non, grâce à l'effet Muesli. D'accord, ouais. En fait, on surnage Ouais, normalement. ouais. Et en fait, il faut pas se secouer, ça sert absolument à rien. Il vaut mieux garder ses mains près du visage pour faire une bulle d'air au cas où il y a un ensevelissement, mais superficiel, tu vois. Et en fait, l'effet Muesli permet normalement de nous faire surnager ou au moins réduire cet ensevelissement. De Alors. mourir de froid un peu plus lentement. ouais, au moins comme ça. En fait, ils font des. Maintenant, ils essayent de faire des sacs à dos qui se gonflent avec des poches, des poches qui permettent donc de surnager grâce à cet effet-là, en fait. Ah ouais. Donc c'est pour ça. Des sortes Et d'airbags. voilà, des airbags à l'arrière qui permettent de, hop, de surélever tout ça. Donc ça sauve vraiment ça peut vraiment sauver des vies. Ah, Donc c'est voilà. cool. Donc voilà, maintenant j'espère que penser à l'effet muesli à chacun de vos petits déj va devenir un petit rituel. Eh ben ouais, si ça ne l'était pas déjà. Voilà. Donc Mathieu, hein, est-ce que ça t'a donné envie d'acheter une boîte de Ouais. céréales Demain, je pour m'achète des tester? cornflakes, promis. Tu vas bien. Tu vas bien. En plus, là, il faut jamais manger le Et puis fond de pâté. je vais me mettre intensément au hors-piste aussi. Comme ça, t'es prêt. Ouais, bah écoute, ouais, un phénomène méconnu, mais universel finalement, ouais. Ouais, c'est le genre de petit truc que j'ai découvert par hasard, comme ça. Et après, c'est typiquement le genre de choses que tu fais pour un dossier. Et hop, après, ça te fascine tellement il y a de ramifications, tellement il y a de choses à en dire dessus après, quoi. Ouais, c'est C'est épatant. Mais vraiment. comment t'es venu l'idée de parler du sujet? Alors. Genre, tu t'es rendu compte que les céréales étaient toujours pourries à la fin du paquet, puis t'es allé creuser, c'est Ben, ça? exactement. Ah ouais? Ouais, je m'étais dit ça. Parce que en fait, ma chérie et moi, on mange beaucoup de céréales. Et ça m'avait toujours énervé. Et j'avais cherché. Et voilà, quoi. Et ça m'est venu. Ah donc ton slogan de c'est pas faux, rester curieux, tu l'appliques à la lettre, hein? Ah oui, alors là, moi totalement. Hein. Maintenant, sur Internet, comme tu peux déjà tout trouver, maintenant, il n'y a plus qu'à avoir l'esprit de recherche, c'est tout. Excellent, excellent. Hé, Eh ouais, cool, cool. bravo, ouais, bravo d'avoir fait ces petits recherches. Moi, c'est vrai que j'aurais pas cherché plus loin, quoi. C'est vrai que bon, ça, c'est pas forcément avec les céréales. C'est vrai que bon, quand on coupe des chips, il y a un peu ce même phénomène aussi qui peut se passer, non? Avec des Y a chips. eu... Oui, ça se passe avec tout ce qui est granulaire en C'est vrai fait, que hein. moi, je me suis pas posé la question plus loin, quoi. Céréales, normalement, ça se passe aussi dans les boîtes d'apéritifs, ben, les Brazil nuts, les noix de cajou, Ouais, bien on appelle sûr, ça. ouais. Et en fait, toutes les belles noix sont toujours au-dessus en fait. Tu les manges et après à la fin, il te reste plus que les miettes et choses ça. Et après, tu pourras. C'est un fait à sortir en société, vous savez. Oui, c'est l'effet muesli qui fait ça. Ouais, c'est bien, c'est bien. Pour ceux qui ne passaient pas encore pour des extraterrestres en société jusqu'à maintenant. Là, on va vraiment passer pour des nerds. Exactement. En plus, je crois que le sujet d'Alan ne va pas arranger les choses. Bon, c'est un sujet qui nous a été demandé, hein, aussi. Oui, c'est Ouais, vrai. on a une excuse, c'est vrai. Alors, bah ouais, voilà, bonne transition. On va parler du sujet du professeur Fun, qui sont les bulles de champagne. Comment Exactement. elles se forment, non? Ouais, c'est ça. On est aussi dans les petits mystères du quotidien, comme ça, mais qui en fait révèlent des phénomènes vachement complexes. J'étais tout étonné en préparant ce dossier, de découvrir ce que j'ai découvert et que je m'empresse de partager. Donc, c'est un sujet qui nous avait été demandé par Franck Pascot via Twitter le 31 décembre 2010. Il s'interrogeait sans doute le nez dans les bulles du liquide doré. À se demander d'où le phénomène pouvait bien venir. Là, on est le 10 février, puis j'avais un petit peu oublié la suggestion, à vrai dire, jusqu'à ce que l'absence d'Antoine la semaine dernière pour le Nouvel An chinois m'y fasse repenser. D'ailleurs, on boit du champagne pour le Nouvel An chinois ou vietnamien? Non, non, non, non. Y a Non. pas de champagne là-bas en Qu'est-ce que fait. Hein. vous mangez ou buvez? On mange un gâteau de riz et on boit du non, c'est l'alcool de riz, D'accord, logiquement, comme du du saké, vous savez. saké, Donc ouais. voilà, c'est Donc ce qu'on pas de boit. bulle. Non, pas de bulle, mais oui. Ok, moi, coup de bol pour la préparation du dossier. En fait, un de mes podcasts préférés m'a branché sur une piste insoupçonnée. Donc, le podcast, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une émission de la station de radio Triple J en Australie, où une espèce de génie qui sait tout, puis qui en plus est toujours de bonne humeur et très marrant, le mythique Dr Carl, répondait à une question d'auditeur qui demandait s'il est vrai que la petite cuillère glissée dans le goulot d'une bouteille de champagne permet d'en préserver les bulles, même si la bouteille est ouverte. Vrai, faux, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que c'est un... C'est faux, hein. C'est faux. Enfin, je crois que c'est faux. Et en fait, la cuillère n'a aucune incidence sur l'échappement des gaz, quoi que ce soit. Exactement, ça c'est encore une Donc, légende légende urbaine. urbaine, Ça de fait pas. nouveau. Ouais. C'est juste pour décorer, alors. Mais c'est ça, ouais. Je sais pas qui a lancé cette idée, mais enfin, c'est incroyable que ça ait fait le tour du monde, que tout le monde y croit, parce que tu peux observer ça sous tous les angles, ça n'a aucune espèce d'incidence, ça n'empêche pas du tout les bulles de s'échapper. Donc la réponse à la question en cours, évidemment, était non, mais le très volubile docteur Karl pouvait pas s'en tenir à une réponse aussi courte. Donc il a commencé à parler d'un chercheur, soi-disant chef de la recherche chez Mouette et Chandon. Mais enfin là, je crois qu'il a été un peu light sur la vérification de ses sources, parce que j'ai rien trouvé qui le confirme. Mais donc ce chercheur est une véritable star des bulles de champagne. Alors le nom que j'ai capté quand il l'a prononcé, c'était Jihad Livia Belair. Prononciation australienne oblige. En fait, il s'appelle Gérard Ligier Ah, Belair. pas C'est mal, Ah ouais, ouais. d'accord. Le temps dans Google. Et puis c'est effectivement un très grand spécialiste de la bulle de champagne, si ce n'est le plus grand. Il les a étudiés alors sous tous les angles, sous toutes les coutures. Il a écrit des dizaines d'articles scientifiques. J'en ai déniché 133 dans Google Scholars. Donc c'est vous dire. Il a même écrit un livre de vulgarisation qui connaît apparemment un très grand succès, qui s'appelle Effervescence, la science du champagne, qui est disponible sur Amazon. On mettra le lien. Et Gérard Ligier-Belair, donc, est docteur en physico-chimie appliquée à l'œnologie et professeur à l'université de Reims, Champagne-Ardenne. Il participe activement à la diffusion des connaissances et à des opérations de vulgarisation sur son thème de recherche, au travers d'émissions de télé, de radio et d'articles de presse. Moi, j'en avais jamais vu, je ne sais pas si vous étiez tombé dessus par hasard. Non, du tout. Et puis bon, ses travaux ont été reconnus aux États-Unis par la Société savante américaine, la National Science Foundation et l'Académie des sciences de New York, ainsi qu'au Royaume-Uni par la Société savante britannique, la Royal Society of Chemistry. Enfin bref, s'il fallait chercher les travaux d'un spécialiste des bulles de champagne pour comprendre de quoi on parle, bah, c'était évidemment les siens. Et devant l'embarras du choix, j'ai opté pour un article publié en 2009 dans l'American Scientist, intitulé Bubbles and Flow Patterns in Champagne, qu'il a co-signé. Et puis c'est un article tellement bien construit et approfondi que j'ai pris un plaisir fou à le traduire et à l'adapter, même si par moments il faut s'accrocher. Franchement, la science des bulles, c'est bien plus costaud que ce que j'avais imaginé. Il y a beaucoup de chimie, ou bien... Ouais, beaucoup de phénomènes physiques, en fait. On descend jusqu'au niveau quantique en étudiant le phénomène. Ah Euh, ouais. donc, ouais, j'ai pas tout traduit parce que l'article est vraiment trop costaud, quoi. Mais j'ai mis le lien pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez creuser un peu, il y a tout. Tout ce qu'on peut se demander sur les bulles de champagne. Donc l'article commence avec une légende, la légende qui veut que le moine bénédictin Dom Pierre Pérignon aurait découvert la méthode champenoise pour produire des vins pétillants il y a plus de 300 ans. Mais en fait, un papier présenté à la Royal Society à Londres, donc c'est l'institution fondée en 1660 destinée à la promotion des sciences et qui existe encore aujourd'hui, décrivait la méthode de production du champagne en 1662 déjà, soit 6 ans avant que Pérignon ne mette les pieds dans un monastère. Donc voilà, légende. Et en fait, Donc la c'est nouveau première. la loi, comment elle s'appelle déjà cette loi dont j'ai déjà parlé, de Stigler. Stigler, ouais. Ouais, donc c'est jamais le nom, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà, je ne dis pas qui était à l'origine du papier présenté à la Royal Society, mais effectivement, ce n'est pas Dom Pérignon. Bon, il a quand même travaillé dans le domaine, hein. Il a travaillé sur l'amélioration du champagne, enfin du processus de la méthode champenoise. Mais ce qu'il y a de rigolo, c'est que sa première tâche, à l'origine, était de trouver un moyen de supprimer les bulles de champagne. L'effervescence était considérée comme vulgaire à l'époque. Et puis bon, progressivement, les goûts ont changé. Puis sa mission s'est inversée. Et Dom Pérignon est à l'origine de nombreux progrès dans la production champenoise, dont une augmentation de la carbonation. Mais dans tous les cas, c'est un processus qui n'était pas utilisé régulièrement en Champagne avant le 19e siècle. Et depuis là, depuis le 19e, le champagne est resté le vin par excellence de toutes les célébrations, et puis cela sans doute en raison de ces bulles. L'article s'interroge sur le rôle des bulles, donc il se demande, et puis c'est un petit peu le but de toute la construction, si elles sont juste esthétiques ou si elles participent au goût final du produit. Mais bon, nous on va surtout se focaliser sur la partie de la physique des fluides derrière les bulles qui explique leur origine. Donc je reviens à l'article qui nous détaille un peu ce que c'est que la méthode champenoise. Donc les vins pétillants et le champagne résultent d'un processus de fermentation en deux étapes. Une fois la première fermentation alcoolique achevée, le vin obtenu est embouteillé avec un mélange de levure et de sucre, et du coup une seconde fermentation commence dans la bouteille, pendant que les levures consomment le sucre. Et le processus produit de l'alcool et une grande quantité de dioxyde de carbone, donc le CO2, environ 10 grammes par litre de champagne, ce qui veut dire que le produit fini est soumis à une pression de 5 ou 6 atmosphères, c'est-à-dire la pression qu'on subit en nageant à 40 ou 50 mètres de profondeur. Quand on ouvre une bouteille, le gaz jaillit sous forme de minuscules bulles de CO2. Et pour que le liquide puisse retrouver un état d'équilibre, une fois le bouchon retiré, il y a quelques 5 litres de gaz qui sont libérés de chaque bouteille de 75 centilitres, 75 centilitres. Donc soit environ 6 fois son volume. C'est juste hallucinant. Donc 80% du CO2 est expulsé à l'ouverture, et puis le 20% restant correspond aux 20 millions de bulles qu'on trouve dans chaque verre. Une flûte typique contient environ 10 centilitres. 20 millions de bulles par verre. 20 millions de bulles, ouais, par décilitre. C'est énorme. Ouais. Et l'article nous rappelle que les connaisseurs apprécient d'ailleurs la finesse des bulles, gage de qualité. Et que pour la plupart des gens, le rôle des bulles dans les dégustations consiste d'abord à éveiller le sens de la vue. Donc l'image du champagne est intrinsèquement liée aux bulles qui ressemblent à des chaînes de perles dans le verre et qui créent un coussin de mousse à la surface. Mais au-delà de cet aspect visuel, les connaisseurs avisés voient dans cette effervescence l'un des principaux vecteurs de la saveur parce que l'explosion des bulles de CO2 véhicule l'arôme des vins effervescents directement dans le nez et la bouche des dégustateurs. Mais on va s'intéresser d'un peu plus près à la naissance des bulles. Donc, la première étape consiste à élucider le mystère de la formation des bulles. En général, il existe deux méthodes, parfois combinées, pour générer des chaînes de bulles dans les verres de champagne. L'effervescence naturelle dépend d'une condition aléatoire, c'est-à-dire du hasard, soit la présence de minuscules fibres de cellulose déposées soit par l'air, soit par le torchon qui a servi à essuyer les verres. Ces fibres, elles adhèrent au verre grâce à la force électrostatique ou la force de Coulomb. On commencerait à se croire dans un sujet de Mathieu, ça se corse. Et puis, donc les fibres sont faites de microfibrilles étroitement entassées, eux-mêmes constituées de longues chaînes polymères composées principalement de glucose. Chaque fibre d'une longueur de 100 micromètres environ, donc c'est vraiment tout petit, développe une poche interne de gaz tandis que le verre est rempli. Le fluide essaye de pénétrer dans le microcanal de la fibre par la capillarité, donc c'est une autre force physique, mais comme la fibre est complètement submergée avant l'arrivée du liquide, elle s'accroche au gaz qu'elle a emprisonné. Et cet emprisonnement est rendu plus facile lorsque les fibres sont longues et fines et lorsque le liquide a une faible tension superficielle et une grande viscosité. Donc la tension superficielle, en deux mots, c'est la force qui fait que deux petites gouttes de liquide ont tendance à éviter d'en former une grosse, si elles en ont l'occasion, comme ce qu'on aperçoit quand on verse de l'eau sur une feuille de lotus ou dans une poêle en téflon. Ou c'est encore la force qui permet à certains insectes de marcher sur l'eau sans s'enfoncer. Vous savez, ces espèces de longs moustiques là, qui marchent. C'est la tension superficielle, en anglais ça s'appelle tension de surface. Puis la tension superficielle du champagne donc se situe environ 30% en dessous de celle de l'eau et sa viscosité environ 50% au-dessus. Donc ces poches de gaz en microfibres servent de site de nucléation, c'est-à-dire de germination, pour la formation des bulles. Pour se rassembler, le CO2 doit pousser, se frayer un chemin à travers les molécules de liquide qui, elles, tiennent ensemble grâce aux forces de Van der Waals. Il y a un lien hein, dans l'article. Les forces de Van der Waals, c'est les fameuses forces qui permettent aux geckos de se balader sur du verre à la verticale, même s'ils ont les pattes pleines de boue. Enfin, ça mérite un sujet. C'est une autre histoire. Donc, le CO2 doit pousser à travers le liquide et ce serait mission impossible sans les poches de gaz qui abaissent la barrière énergétique pour la formation des bulles. On notera au passage que les seules irrégularités du verre sont trop petites pour produire ce genre de résultat. Donc c'est aussi une légende urbaine, on a tendance à croire que c'est les aspérités du verre qui permettent la formation des bulles, c'est pas le cas en fait. Ouais, j'étais persuadé, hein. J'étais persuadé en fait. Donc voilà, si on en revient à nos petites bulles, une fois que la bulle a atteint la taille de 10 à 50 micromètres, elle est assez légère pour se détacher de la fibre. Et quand elle se détache, une autre bulle se forme instantanément, avec une précision d'horloge suisse. En moyenne, 30 bulles par seconde sont libérées pour chaque fibre. Et les bulles s'élargissent pendant leur ascension, car elles captent du CO2 au passage, ce qui les rend encore plus légères et accélère leur course pendant la montée. Donc plus elles montent, plus elles grossissent, plus elles vont vite. Elles ne dépassent en général pas le millimètre de diamètre à la fin de leur course, qui dure 1 à 5 secondes pour atteindre la surface. Et dans la mesure où la nucléation naturelle est un processus aléatoire par définition super difficile à contrôler, une autre manière de créer les bulles consiste à se servir d'un processus mécanique parfaitement reproductible et prévisible d'une rasade à l'autre. C'est assez simple, à l'aide d'un laser, on grave de minuscules sites de nucléation au fond du verre, donc beaucoup plus petits que les aspérités naturelles du verre. Et il est assez commun d'utiliser ce type de verre pour les dégustations dans les grandes maisons champenoises, ce que j'ignorais totalement. Donc ça permet de rendre l'effervescence, plaisante à l'œil. Donc les verriers, dans ce cas, créent pas moins de 20 impacts pour créer une forme d'anneau au fond du verre, ce qui produit des jolies colonnes tout à fait régulières de bulles ascendantes. C'est un vrai spectacle, quoi. Ouais, mais bon, ça, ouais. Pour ça, faut avoir l'appareil, donc c'est limité aux experts champenois, non? Exactement. Parce que nous, chez nous, on n'a pas ce matériel. Ouais, bon, à part Antoine, dans ses expériences de cuisine, peut-être, qui serait capable de faire un truc pareil. On sait jamais. Les gens n'ont pas un laser à la maison, effectivement. voilà, alors maintenant sur le pétillement du flux. Donc, on en revient à des principes un peu basiques de physique. Le déplacement d'un objet dans un fluide au repos entraîne le déplacement des couches de fluide dans les alentours immédiats. C'est logique. Les bulles de champagne ne font bien sûr pas exception à la règle. Elles se comportent comme des objets en mouvement, quelle que soit la méthode, artificielle ou aléatoire, qui a permis de les produire. La viscosité du champagne fait de la partie inférieure de la bulle une zone à basse pression qui attire les molécules de fluide du voisinage, ce qui a pour conséquence d'éjecter du liquide à la surface, et cela même si les bulles se déplacent quelques 10 fois plus rapidement que le fluide. En conséquence, les bulles et le liquide créent chacune leur flux vers le haut en suivant une ligne imaginaire au centre du verre. Du fait de la génération permanente de bulles depuis les sites de nucléation, et parce qu'un verre de champagne est un récipient limité, avec un début et une fin, cette ascension constante entraîne également inéluctablement, paraît-il, un flux circulaire. Donc pour avoir une idée plus précise du rôle des bulles dans le mouvement du fluide, les chercheurs ont observé une flûte de champagne contenant un seul site de nucléation au fond du verre. Et l'évolution géométrique de la bulle est déjà bien étudiée dans les boissons gazéifiées. Par exemple, on sait que le taux de croissance de la bulle pendant son ascension conduit de manière assez certaine à un diamètre moyen de 500 micromètres pour une migration de 10 cm dans la flûte. Et pour ce type de liquide sursaturé avec des molécules dissoutes de gaz CO2, les observations empiriques de la bulle est à la racine cubique du déplacement vertical. Antoine, tu as tout noté, on retrouvera ça sur ton tableau blanc, j'espère. on se fera un petit truc, je pense. et puis, mais en fait, c'est un flux de... Enfin, convection, c'est ça? Ça monte, après ça s'étale et ça redescend un petit peu Non, ça redescend pas. Ça redescend pas, d'accord. Ça tourne en même temps, en fait. Ok. Ouais, donc on a plusieurs flux en réalité qui se livrent à un combat sans merci. On a un flux circulaire, on a un flux de liquide qui monte et puis on a un flux de gaz qui monte et puis tout ce petit monde est joyeusement en compétition dans le verre et ça provoque le joyeux spectacle qu'on a plaisir à observer. Ouais, encore une autre chose, une autre caractéristique des bulles, c'est qu'elles peuvent prendre soit la forme de, enfin, elles prennent des formes de sphères, soit rigides, soit flexibles pendant qu'elles montent, en fonction du contenu du fluide dans lequel elles se trouvent. Après, j'arrête, hein, c'est promis, parce que ça commence, c'est là que ça commence à devenir un peu hard. Les sphères rigides sont davantage entraînées que les sphères flexibles. Les bulles de champagne ne se comportent pas comme des sphères rigides, alors que les bulles d'autres fluides pétillants, comme la bière par exemple, si. La bière contient beaucoup de protéines qui tapissent la paroi des bulles pendant leur montée, ce qui empêche leur déformation. La bière est également moins gazeuse que le champagne, du coup. Les bulles ne croissent pas aussi rapidement. Ce qui permet aux protéines de les encercler complètement. Mais le champagne est un fluide relativement pauvre en protéines, du coup il y a moins de tensioactifs, le lien est mis sur Wikipédia, pour coller aux bulles et ralentir leur ascension. Donc un tensioactif en deux mots, ou soit un agent de surface, un surfactant en anglais, c'est un composé qui modifie justement la tension superficielle entre deux surfaces qu'on évoquait tout à l'heure. Et de plus, la haute teneur en CO2 du champagne fait croître les bulles très rapidement pendant leur ascension, créant ainsi davantage de surface intacte. Les bulles, de fait, se débarrassent de leur tensioactif plus rapidement encore que de nouvelles molécules peuvent occuper l'espace. Ceci dit, il faut quand même un minimum de tensioactif pour guider les bulles en ligne droite vers le haut, sans cela, elles partiraient dans tous les sens. Bref, je vous passe les détails des expériences super high-tech avec imagerie par laser à tomographie impliquant des nappes laser. J'ai même pas trouvé d'article sur Wikipédia sur les nappes laser. J'ai dû aller sur le site de la NASA pour comprendre de quoi il s'agit. Le lien, évidemment, sera dans dans le dossier sur le site. Je vous dispense aussi des détails sur les rapports de force entre les tourbillons et les bulles ascendantes, des rapports très détaillés entre hasard et site de nucléation, ainsi que la différence du vortex créé dans la coupe plutôt que celui créé dans la flûte. Mais pour les passionnés les plus motivés, bah, tout est parfaitement bien documenté dans cet article du Scientific American. Donc j'ai mis le lien à plusieurs reprises dans le dossier. Faut pas hésiter à y aller, ça vaut la peine de le lire jusqu'au bout. Donc voilà, pour ma part, moi j'étais déjà assez fasciné par les flux des bulles de champagne. Ça fait partie de mes petites obsessions. C'est le genre de truc que je peux regarder pendant des heures. Je trouve ça juste fascinant. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais encore changer mon regard. Je vais les regarder plus attentivement. Je me doutais pas sincèrement que le phénomène faisait appel à des explications aussi complexes. Donc voilà, ma petite conclusion, c'est que les bulles, avec tous ces efforts, toute cette physique compliquée, méritent décidément vraiment un petit coup d'œil. Moi, en fait, ce qui m'étonne vraiment beaucoup, c'est tous les moyens qui ont été entrepris pour expliquer ça. Là, tu parles de machines laser et tout ça, je trouvais ça vraiment fascinant, quoi. Ouais. Ouais. Écoute, d'après ce que j'ai compris, les maisons de champagne financent une partie de ces recherches. Oui, d'accord, ouais. Parce qu'elles cherchent toujours à améliorer le produit, à comprendre le phénomène, à le maîtriser pour mieux, voilà, mieux conserver les vins, mieux les présenter. Donc apparemment, il y a pas mal d'argent pour la recherche de disponible dans cet univers-là. Je crois que le chercheur au départ a commencé à être fasciné par les bulles en observant de la bière. Apparemment, il y a bien moins de fric en fait pour conduire les recherches C'est dans cet sûr. univers-là. Et donc il s'est rabattu sur le champagne, quoi. Et voilà, ouais. Bon, les bulles de champagne, c'est ce qui font aussi leur charme, la bière pas tant. Ouais, c'est vrai. Mais Ouais. moi, bon, c'est vrai que c'est vachement complexe. Mais il y a un truc qui m'a surpris, c'est que ce phénomène de nucléation que tu appelais, en fait, il est reproductible, c'est-à-dire que les bulles se régénèrent en permanence. Ouais. Ouais. Ouais, elles prennent racine sur ces petites fibres. Mais pas indéfiniment, quand même. Si on laisse un verre de champagne une demi-journée. Ben ça dépend du gaz contenu dedans. Exactement. Ouais, tant qu'il y a du CO2 dedans, ça marche. Et puis quand il n'y en a plus, qu'on ait mis une cuillère ou pas, il n'y en a plus, quoi. D'accord. Et puis ça va Ouais, aussi. c'est. Ouais. Et puis, tu avais dit au départ que c'était dû à des fibres, des fibres minuscules qui restaient dans le verre si on avait nettoyé le verre avec un chiffon, quelque Absolument. chose. Donc en fait, ça dépend tout de comment, on va dire, du niveau de propreté du verre pour que ces bulles, pour que l'intensité des bulles soit plus grand ou plus petit, non? Ouais, c'est ça, voire inexistante, si tu fais ça dans un environnement Vraiment, parfaitement stérile ouais, avec. stérile, il n'y aurait quasiment pas de bulles là, du coup. Exactement, D'accord, ouais. ok. Ouais, quand on parle de microfibrilles déposées par l'air ou par le torchon lors du séchage, en fait, c'est un mot très classe pour dire de la poussière, quoi. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas que ça, quoi. Ouais. D'accord. Et donc les aspérités du verre sont trop grosses, ou trop petites? Elles sont, bah, elles ont pas la bonne taille. Ça, ça, D'accord. ça, ça marcherait pas. Flûte. Attends, j'ai réussi à oublier maintenant. Enfin, tu as utilisé deux mots. Les deux mots, donc j'étais un peu confus. Je pensais que j'avais entendu au début qu'elles étaient trop petites, et après, à la fin du dossier, qu'elles étaient trop grosses. Ouais, écoute, tu sais que je me suis posé la question en lisant, je me suis demandé aussi s'il n'y avait pas une incohérence, mais j'étais pas tout à fait sûr, donc tu fais bien de la pointer, j'ai dû me planter dans la traduction. Ouais, Ouais, donc bon, écoute, on vérifiera je retiens ça pour ma et. part qu'elles n'ont pas la bonne taille, et puis je corrigerai le dossier, je vais aller vérifier ça tout de suite. Ok, moi Ok, ça me donne envie de prendre une coupe de champagne après tout ça, moi. tu prends une coupe de champagne, tu t'ouvres une boîte d'apéritif de noix du Brésil et Et c'est bon. puis je regarde Ouais. l'effet Musili et le phénomène des bulles de champagne et je suis comblé là. Là, t'as ta soirée. Ma soirée. Excellent, excellent. Ouais, ben alors ces bulles de champagne, super complexes, hein. Je pensais pas que ça allait aussi loin. Mais Mais là, pour la bière, ce serait aussi, par exemple, ou pour la bière, ce serait aussi des microfibres qui seraient dues, ou là, c'est les aspérités du verre qui seraient la cause des bulles, par exemple. Alors ça, c'était pas indiqué dans C'est pas l'article, j'ai indiqué. pas poussé mes recherches jusque-là, mais enfin, j'imagine que c'est le même genre de phénomène finalement Ouais, je pense. Sauf que qui est à l'origine. c'est beaucoup plus stable dans la bière à cause de, tu t'avais dit, des protéines, c'est ça? Exactement, Ok, ouais. voilà. Les bulles sont des sphères rigides grâce aux protéines de la bière. D'ailleurs, ton dossier me rappelle un truc que j'ai dû faire quand j'étais en première année de licence. Et j'avais fait sur les bulles, les gouttes d'eau. Ouais. Et en fait, c'est exactement pareil avec la tension superficielle, tout ça. Et le gros défi que j'avais eu à faire, c'était de pouvoir photographier une goutte d'eau. Et ça, Ah ouais. c'était vraiment galère. Et donc en fait, le prof nous a donné une autre méthode qu'au lieu de photographier, tu sais, pour mesurer les angles d'incidence les angles de courbure des gouttes au plan, ça te donne la tension superficielle et la viscosité. Et en fait, au lieu de photographier la goutte et après de mesurer sur un logiciel d'image, en fait, il était plus facile de photographier l'ombre de la goutte, en fait. Ah En fait, ouais. tu projetais l'ombre sur un mur et après tu photographiais et c'était bon. D'accord. C'est le petit Comme truc. pour les exoplanètes. Voilà. Excellent. Ok. Bon, on arrive gentiment au bout de cette émission. Si ce n'est qu'il nous manque le moment phare, le clou, celui Ah qu'on oui, attend. le petit dessert de Mathieu. Attends. Ouais, Ouais. cette semaine, ça va être un petit dessert spécial. Ça va. Bah, attends. Ça. On a vu ça dans la wave, ouais. On a vu Ouais, ça dans la wave. ça va C'est. pas être une citation, donc pas une quote, mais une prédiction. Bon, Bah voyons, à quoi tu rien que penses? ça. Mathieu, Ouais. d'abord, il nous fait l'origine de l'univers, maintenant, il nous fait Nostradamus. Non, elle est pas de moi, la prédiction, hein. Ah. Je vous rassure tout de suite. En fait, j'ai lu un article sur Internet Actu, intitulé Jouer avec le vivant. C'est un article qui parle de ce qu'on appelle les jeux biotiques. Et les jeux biotiques, vous allez voir ce que c'est là où la prédiction arrive, mais Ça a quelque chose de fascinant, mais aussi un petit peu effrayant. Parce qu'il y a un mathématicien et astrophysicien qui a justement fait dans cet article, cette prédiction. Cette personne s'appelle Freeman Dyson. Et il a dit la chose suivante. L'étape finale dans la domestication de la biotechnologie sera la création de jeux biotech, conçus comme des jeux vidéo pour les enfants à partir de la maternelle, mais joués avec des vrais œufs et de vraies graines au lieu d'images sur un écran. Le gagnant Ah oui. sera le gamin qui créera les graines engendrant le cactus le plus épineux ou celui dont l'œuf donnera naissance au dinosaure le plus mignon. D'accord. Donc voilà, à quelque part, c'est assez emballant, mais moi ça me fait aussi un peu peur, Ouais, non, c'est juste quoi. totalement effrayant. C'est pour quand, en fait? Non, alors il n'y Y a pas a pas de de... date, Bah, mais ouais. lui se base un peu sur l'évolution des biotechnologies. Et il y a d'ailleurs déjà un certain nombre de jeux qui existent déjà qui permettent aux joueurs de classer des protéines. Donc on manipule déjà des protéines vivantes et le jeu consiste un peu à les classer, tout ça pour aider la biotechnologie à organiser tout ça. Et lui, il va déjà un pas plus loin encore, et il essaie de se projeter un peu dans le futur, et il imagine des jeux où voilà, on pourra manipuler des œufs, des graines Je vois ça, ouais. qui donneront vie à, voilà, à des dinosaures ou à des plantes, bon. À des mammouths. Des mammouths, ouais. Qui sait? Mais ouais, j'avais vu passer cet article, mais si j'ai bonne mémoire, il disait qu'il y a déjà de ces jeux biotiques, non? Oui, alors comme j'ai dit, il y a des jeux biotiques, mais pas à ce niveau-là. Il y a Je des connaissais même pas le jeux. terme, en fait. Donc c'est des jeux où on manipule le vivant. Ouais, alors il y a, C'est ça? comme j'ai dit avant, il y a des jeux qui permettent de manipuler des protéines déjà pour essayer de les classer, les ordonner, pour aider la science biotechnologique à organiser tout ça. Donc il y a par exemple Foldit, c'est un software. Ouais, c'est où on essaye de faire la structure 3D d'une molécule, d'une protéine, je crois, c'est ça. Ouais, c'est quelque chose Et comme après, ça. t'envoles le résultat pour qu'ils voient. D'accord. Ouais. Et donc il y a déjà des jeux, des sortes de puzzles aussi, un peu comme ça. Donc c'est une première étape. Là, on est au premier stade, mais lui, voilà, il se projette un petit peu et il voit les choses en beaucoup plus grand, quoi. C'est un petit peu effrayant, effectivement. Ouais, c'est. Ouais. C'est Bon, le. écoute, d'habitude, tes quotes me laissent Elles sont songeur, mais inspirantes, là, elles comment sont dire? Ouais, c'est terrifiantes. ça. Celle-ci va me laisser songeur aussi. Mais, ouais. Plus du côté obscur de la force. Ouais. Ben non, mais c'est pour ça, moi, ça m'a marqué quand j'ai lu cet article. J'ai dit, ouh là là là là là, qu'est-ce que c'est que ça? Et je lui ai dit, oh non, là, faut que j'en dise un mot sur Podcast Science, parce que c'est quand même impressionnant. Alors bon, après, c'est vrai que ces prédictions, faut s'y prendre avec des pincettes. Il y a un peu des illuminés ou tout ce qui est le transhumanisme et tout ça. Ça pourrait faire un sujet une autre fois sur Podcast Science, mais il faut faire attention aussi. Y a un peu. Ouais, ça fait déjà trois Et sujets par mois sur Place de la Toile. oui, c'est vrai. Et tu pourras mettre l'article Oui, bien sûr, bien dans sûr, le lien, ouais. bien sûr, Ça m'intéresserait bien de le lire. bien Je suis sûr. fasciné par cette mouvance biopunk, tout ça. Ouais, d'ailleurs, bah, l'article parle aussi un peu du biohacking. Je crois que Ouais, le biohacking, ouais. t'aimes bien ça, donc. Des petites briques biologiques qui permettent, en les assemblant à n'importe qui, à n'importe quel hacker ou personne un peu débrouille, d'assembler ces briques pour créer quelque chose de. Ouais, un Lego biotique, c'est ça? Lego biotique, exactement. Voilà. Et c'est vraiment énorme. Donc voilà. Donc Ok, voilà. bon ben, quote intéressante. Ok, moi j'avais encore juste une bricole à dire. J'ai lancé joyeusement et triomphalement la semaine dernière une nouvelle tradition qui consistait à parler des liens que la communauté partage avec nous sur Facebook. Du coup, ça a encouragé plein de gens à le faire. On a des tonnes de matériel frais comme ça dont on aurait pu parler. J'ai pas eu le temps en fait de reprendre et de lister tout ce que les gens avaient proposé. Donc, je le ferai pour la semaine prochaine. Puis en attendant, j'encourage tout le monde à continuer, quoi. C'est vraiment très, très cool. Toute cette participation spontanée comme ça. C'est énorme, on adore ça. Merci à vous tous, effectivement. D'ailleurs, on Ouais. va tous s'installer parce qu'il y a un problème sur Facebook, on n'est pas notifié des commentaires. Donc, Professeur Fun nous a trouvé une petite application qui va nous permettre. Ça s'envoie un email, c'est ça ou bien? Ouais, ça t'envoie un email avec l'activité qu'il y a eu sur la page. Donc voilà, ça va être plus pratique pour suivre Ouais, ça va ça. nous permettre parce qu'on n'avait pas ça avant et on n'était pas au courant de tout Ouais, on ça. n'était pas forcément réactif tout de suite parce qu'il fallait qu'on aille sur la page Facebook. D'ailleurs, ça c'est un gros défaut de Facebook. Je sais pas pourquoi ils font pas ça. Enfin bref, Facebook est un autre sujet. On laisse ça à Exactement. Niptech. Ouais, c'est pas pour nous. Ok, bah voilà pour aujourd'hui. Alors, ben, bonne fin de semaine à vous deux. Bonne fin de semaine à nos auditeurs et à la semaine prochaine. À tout Ciao, bientôt. ciao. Ciao, ciao. Ciao.